Denis Veilleux, votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord des Castors de Dolbeau. Dans une entrevue qui a été diffusée hier, le président du hockey mineur de Dolbeau-Missassini, Danny Lavoie, est revenu sur la situation des Castors. Et évidemment, ça a été une situation difficile et il fallait se rendre à l'évidence qu'il n'y aurait pas d'équipe cette année. Pour cette année, effectivement, là, on a fait ce qu'on avait à faire. Écoute, Saint-Félicien nous ont soumis la liste des joueurs qui avaient le potentiel de venir jouer ici, donc les derniers retranchés du Marcos Pub. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à contacter la plupart de ces joueurs-là, excepté que c'était des refus catégoriques. Là. Ils n'étaient pas intéressés à venir jouer ici. Puis les raisons étaient très valables. Là. On parle du refus de voyager, de préférer rester jouer Midgetta avec leurs amis aussi, parce que les derniers retranchés du Marcos Pub, il y en avait beaucoup qui étaient de calibre 2B, qui avaient évolué. Il y avait même des vétérans de la dernière édition du Marcos Pub qui avaient été retranchés. Fait que pour eux autres, là, c'était vraiment de vouloir rester jouer ensemble dans le Midgetta là-bas, d'être compétitif, d'être plus fort, puis d'éviter le voyagement, puis les coûts associés à venir jouer avec les Castors aussi, parce que ça représente quand même une somme d'argent importante là, pour évoluer dans le double lettre. Et dans un deuxième temps, c'est déjà confirmé que les Castors seront de retour dès l'an prochain. L'équipe va être présente l'année prochaine. Là okay. Cette année, écoute, juste pour te donner une idée, là, au niveau du Midgetta, avec les joueurs qui risquent de revenir l'an prochain, puis ceux des deuxièmes années qui vont monter l'année prochaine du Bantam, on sait déjà que le calibre va être là. Okay. On sait déjà qu'on n'aura pas de problème à présenter ça. Puis cette année, l'entraîneur du Midgetta, Sylvain Tremblay, a déjà prévu là, dans son programme, dans son plan de saison, au niveau des entraînements, de garder un niveau élevé au niveau compétitif pour permettre aux jeunes de garder un certain niveau puis d'être prêts l'année prochaine. Beaucoup de gens se posent des questions sur les éperviers de Normandin. On sait que les éperviers ne sont pas régis par le hockey mineur. Par contre, Daniel Lavoie mentionne qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des éperviers compte tenu que ils peuvent recruter à Chibougamau. Ça va les affecter. Mais okay. Par contre, je me dis que les autres, le bassin de recrutement est plus large que le nôtre. Oui, il y a Chibougamau aussi. Ils vont aller visiter d'autres régions un peu. Fait que là, oui, je pense que ça va les affecter l'année prochaine ou dans deux ans, c'est certain. Mais moi, j'espère que de par leur territoire de recrutement, ils vont être capables d'aller chercher des joueurs quand même pour essayer d'être compétitifs et de présenter des éditions qui se respectent. OK, OK. Donc, parlons golf. Puis Alexandre Bédard était à Toronto récemment et le golfeur de Chibougamau a terminé en 17e position sur 75 participants. Donc, ça a quand même été quand même positif pour le golfeur maintenant devenu professionnel. Et au baseball senior, hier, il y avait un match qui nous intéressait. Les Jays de Saint-Honoré ont défait les Braves de Jonquière 5-2. Il y a, dans ce match, on a noté que Minier a produit 5 points. Gervais Minier a produit 5 points dans la rencontre, dont 2 circuits. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec François Paquette, chroniqueur au journal Les Affaires, de par les difficultés de la chaîne TVA Sport. Également, vous pouvez écouter la chronique du hockey mineur avec Danny Lavoie et la chronique des Seigneurs de Chicoutimi avec Sébastien Morin. Sport local et régional à danradiosport.com.